le débrief. Bilan. Donc, nous venons de jouer une partie relativement intense, je dirais. Qu'en penses-tu, Xavier ? Oui. Pour toi, elle était intense. Oui, par contre... Est-ce que tu as ressenti des émotions assez vives pendant la partie ? Oui, et je trouve que ça m'a beaucoup mis au cœur de l'action quand t'as brisé vraiment l'ampoule. Parce qu'on avait... Je m'attendais pas à ce que tu la brises vraiment. Je croyais que tu voulais juste la garder pour... je sais pas, moi... Et as-tu ressenti l'oppression sur nous de la maison des feuilles ? Oui. Ça me faisait surtout penser à un épisode d'une série que j'ai regardée. Où ils étaient à l'intérieur du ventre d'une bête et ils essayaient d'en sortir. Et le fait de nous promener à l'intérieur de ce ventre en ayant comme lien entre chaque mouvement, chaque manifestation que les feuilles à notre arbre, est-ce que ça t'a semblé pertinent pour raconter une histoire? Ou ça te semblait artificiel, les liens que nous faisions? Bah, moi, je trouvais que c'était important, surtout quand c'était des animaux, parce que j'adore les animaux. Mais ça t'a pas semblé à des moments... important? Ça a rompu ton immersion? Non. Est-ce que tu étais toujours dans l'histoire? Oui, ça m'aidait encore plus. Et ce qui m'a fait rire, c'était pour Barnabé la taupe. La petite taupe bleue? Oui, mais c'est bleu une taupe. Quand c'est sans poil, oui, ça, on voit le sang qui afflue sous la peau et au travers de la peau qui est relativement épaisse pour le protéger du froid, ça paraît. Et du coup, c'est pour ça qu'à la fin, il avait très froid. C'était parce qu'il n'avait pas de poils. C'est ça. Ils n'avaient pas encore poussé ou ils s'étaient rasés. Bah, ils n'avaient pas encore poussé, puisque c'était un bébé taupe que nous avons découvert. Oh, trop mignon. Mais par contre, au début, ça me faisait peur. Ensuite, j'ai trouvé que c'était bien. Mais je sais pas d'où t'as pris le bonhomme escalier. Alors... C'est toi qui l'as gravé, ou... Non, mais le fait d'avoir, par exemple... Est-ce que ça t'a semblé saugrenu que... Qu'il y a un bonhomme escalier. Au début, moi, je croyais que c'était un signe de danger, mort, comme dans les films. Et le fait que, finalement, on le suive... Ça m'a semblé saugrenu. Ça t'a semblé saugrenu ou... et donc, ça rompait ton lien avec ton personnage? Non, je trouvais ça drôle. C'est un peu l'inverse de ce qui est d'habitude fait quand tu vois un truc danger et mort. Ils ne vont pas, les héros. Oui. Mais là, c'était pas vraiment ça. On voyait un signe. C'était peut-être que moi, je l'avais perçu par rapport à mon personnage comme au contraire, c'était pas danger mort, mais la seule présence qu'on pouvait attacher à ce qui restait de nous d'humains, non? Moi, j'aurais dit que c'était danger mort vu que t'as dit colonne vertébrale. Et on n'a pas de colonne vertébrale en tant qu'homme. Si. Donc on voit pas très souvent notre colonne vertébrale rien qu'en regardant quelqu'un. Et le nez, je dirais plus que c'était une bouche qui faisait comme ça. Mais pitié, sauvez-moi. Sauvez-moi. Help-moi. Quoi d'autre? Est-ce que même si la musique était on a utilisé que 2-3 morceaux au total. Est-ce que la musique a apporté quelque chose à l'histoire? Oui. Et ce qui m'a fait rire, c'est quand il y a eu le tonnerre. Mmh. Et ben ça sonnait pile au moment où il y avait quelque chose qui se passait. Ouais, c'était drôle. Mais j'avais peur quand il y avait un truc dans la forêt. Je croyais que c'était toi qui devais le dire, que c'était le monstre, etc. Et en fait, non. Ben, j'ai pu choisir que c'était un gentil. Oui, c'était ton instance. Du coup, j'ai créé un petit panda roux. Oui. Et je sais pas si j'ai bien interprété l'oubli des lettres. On en rajoute. Au lieu de roux, j'ai mis rook. Pourquoi pas? Pandas. Pandas Rook. Alors, autre aspect, au tout début, nous avons évoqué un élixir qui nous permettait d'entrer dans le... Je crois que c'était du mojito. Ça piquait. Non, soit c'est de la menthe, soit c'est du mojito. Je t'ai pas intoxiqué au dernier degré, t'as juste eu à boire du Coca-Cola. Mais bon. Ah, c'était du Coca, c'est pour ça que j'aimais pas. Oh. Mais... T'avais... La dernière fois, t'avais pris. Mais le est-ce que le fait d'avoir pris à ce moment-là le Coca-Cola, alors tu savais pas ce que c'était, mais... J'étais en mode, c'est du café? Mais... c'est du mojito? C'est de la menthe? Le fait que tu aies une fiole entre les mains, comme ton personnage dans l'histoire, est-ce que ça contribuait à ton immersion dans l'histoire? Oui. Et surtout, c'est si j'ai fait ça, c'est que si je serais mon personnage, j'ai une fiole, je sais pas ce que c'est, je connais même pas le Coca-Cola, je vais me dire, oulala, je bois ou je bois pas? Et t'étais sur cette hésitation quand même? Oui. Toi, Xavier, tu n'étais pas uniquement sur qu'est-ce que c'est du café, etc. Tu étais aussi sur l'hésitation de ton personnage? Oui. Et je voulais justement faire cette immersion-là. Sinon, j'aurais bu, j'aurais fait OK. Alors, est-ce que tu as d'autres réflexions à donner sur... Je trouve qu'il n'y avait pas assez d'animaux. Oui, même trois, il n'y en avait pas assez. Moi, j'en veux plus. Je suis un grand fan d'animaux. D'accord. Plus tard, je créerai un refuge pour animaux. Au-delà de ça, par rapport à la partie en elle-même, est-ce que cette partie Oui, t'a elle plu? M'a plu. Par contre, j'ai pas compris c'était qui, Vladimir, Barnabé, etc. Bah, Barnabé, c'est peut-être la taupe. Mais qu'on avait perdu au début. Probablement d'autres gamins comme nous. On s'était fermé d'autres personnages. Mais je me disais, oula, il a peut-être changé les noms des autres, vu que toi, t'as changé le nom. Avant, c'était Léo. C'est devenu Léonard. Bah, Léo, c'est le diminutif de Léonard. Ah ? Oui. Albert. Je l'ai. C'est je le l'ai diminutif de Albertosaur. Mais. Pour toi, c'était pas clair le fait que nous puissions avoir. Pourtant, dans notre règle, il est bien convenu que l'on a. Oui, mais je retiens pas toujours les règles. D'accord. Et ça a été un obstacle pour toi à construire la fiction, le fait que tu ne saches pas à l'avance, puisqu'on n'avait pas de convention de départ, qui étaient Barnabé et Vladimir. Oui, je me demandais, c'est qui cela? C'est qui encore cela? Et qu'est-ce qui t'interdisait de définir qui étaient Barnabé et Vladimir? Bah, c'est que t'as pas vraiment décrit qui c'était, t'as juste dit « Et nos amis, Barnabé et Vladimir, t'as pas dit si c'était des grands, etc. » D'accord, mais qu'est-ce qui t'interdisait à toi de dire que Barnabé était un petit comme nous, au contraire, un subrécard ou je ne sais quoi? Rien, c'est juste que j'y ai pas pensé. D'accord. Et moi, ça me gêne un peu que tu le dises pas. On est... c'est ce qu'évoquait dans la première partie Gabriel. On est sur un mode par énoncé. Donc quelqu'un énonce une vérité, on peut la compléter, la contrer, la modifier. Ah bah ça je savais pas, enfin soit j'écoutais pas à ce moment-là, soit j'étais en train de m'endormir, ouais. Je sais pas, soit j'étais pas là. Si t'étais là. Ah bah j'étais en train de m'endormir sur ma chaise, parce que je suis fatiguée souvent. Et là t'es fatiguée? Un peu. Alors, je sais pas pourquoi, mais à la fin de chaque partie je suis fatiguée. De quoi tu auras besoin alors? Dormir. De te reposer? Dormir, manger, comme toujours, et caresser des chatons. Est-ce que... Donc, et dessiner aussi. Pour toi, est-ce que la partie, la session que nous venons d'avoir à deux, a t'as impliqué plus que oui. Les sessions précédentes. En fait, moi, ce que je préfère, c'est quand on joue à deux, parce que j'arrive plus à m'impliquer que sur les autres parties. D'accord. Parce que sur les autres parties, j'ai du mal. T'as du mal à prendre le devant de la scène, c'est ça ? Oui. Et j'aime bien être sur le devant de la scène. Bonjour, je suis Superman. Alors, pour autant, on n'était pas, t'étais pas tout le temps Superman, là. Non. Je crois. J'étais plutôt... des moments, j'étais... Non, mais oh, on se calme, hein. J'étais en mode... Non. On fait pas ça. Est-ce que tu as eu peur pendant la oui, session ? Oui, c'est pour ça que je me tenais comme ça, contre le truc. D'habitude, je suis comme ça. Et j'ai regardé des fois derrière moi, en mode... Y a quoi ? Donc, y a un pouvoir de suggestion, et il tient pas nécessairement à la forêt mille-valienne. Il tient... On était tous les deux. Regarde, ça c'est ce que j'avais comme point de départ. Donc j'avais. Moi j'avais juste ça de préparation. Pas grand chose. Pourquoi il y a marqué T ? Non, c'est des. C'est les points. C'est. Chaque marque est. Et. Il y a donc. 1. On dirait des signes religieux. 4. 5 points. Et l'île, 5e point. Vladimir et. Le 5e. Ah, Robert, une... Quoi ? Un réfrigérateur. Ah, d'accord. Un immense réfrigérateur a entrepris de dévorer la cité. D'accord. Ça, c'était ce que j'avais dit à table. C'était le point de départ. Et donc, nous avons affronté Robert, le dévoreur de la cité. Et on a été, avec notre clé passe-partout, on a été réparer le ventre de Robert, libérer les eaux et que la cité... En fait, les eaux, c'était les qualifications, etc. de Robert. C'est ça. Mais c'était quoi les escaliers alors ? Les escaliers qui nous permettaient d'accéder à la salle ou au cœur de Robert, là où on pouvait... Ah, c'est comme la lumière dans les réfrigérateurs où quand tu l'ouvres, la lumière s'allume et ça commence et tout commence à faire des bruits, etc. Voilà, on était dans le cœur de Robert. D'accord. j'avais pas tellement... Est-ce que l'histoire t'a plu en elle-même ? Oui, mais j'avais pas compris qu'on était dans un... On n'était pas nécessairement dans un réfrigérateur, on était aussi dans la maison des feuilles. Oui, c'est ça. Justement, quand tu me disais dans la maison des feuilles, je me disais, ok, une tente avec des feuilles, etc. Ensuite, tu m'as dit, des escaliers avec une rambarde en cuir. Je me suis dit, peut-être que c'est le... peut-être que c'est le collège. Hein. Ah non, quand tu m'as montré ça, que tu m'as lu la fin, je me suis dit, ah oui, d'accord. Alors, on a retrouvé des moments. Moi, je m'étais... Mais la forêt, d'où tu la sors ? Je savais pas qu'il y avait des forêts dans les réfrigérateurs. Voilà. C'est les yaourts. C'est les épinards. Ah, on était dans des épinards. Alors, la verseuse nous a envoyé, avec Vladimir et Barnabé, chercher dans l'antre de la maison des feuilles une fusée pour crever la nuée et qu'elle ruisselle d'une pluie saine. Ça, c'était la mission. Si on faisait ça, on se libérait du charme qu'avait jeté sur nous. Ou que nous On l'a déjà libéré, en fait. On a rempli notre mission. Que nous estimions... Et on l'a fait à une autre manière. Hein ? Alors, est-ce que tu as perçu une gradation de l'adversité ? On a utilisé les dés. Ça m'aide un peu, je trouve. Le fait d'avoir les dés alignés comme ça, que des fois tu n'en vois pas certains, parce qu'on les a déjà utilisés, ça m'aide. Donc on est monté jusqu'au D8. Et, oui, et j'ai réussi, j'ai fait un 7. Avec nos feuilles, on n'avait pas besoin de jeter les dés, en fait. J'ai juste un truc à dire. Ouais. Au début, j'ai fait un 0. Et ça m'a fait rire, parce que tu dis, ok, je vais y arriver. 0. Ah, d'accord. I am dead. Alors. Mais du coup, ça m'a vraiment choqué. Là, tu casses vraiment l'ampoule. Je me suis dit, attends, quoi ? What ? Au début, j'étais en mode, qu'est-ce qu'il va faire? Ensuite, ah d'accord. Donc on était sur... ça, c'est peut-être un dispositif de jeu en convergence que j'utilise régulièrement. Le fait que le personnage agisse au travers d'un objet et que l'on s'empare du dit objet et qu'on réalise l'action en conséquence. Et au poule en poule, j'aurais pu dire que c'est une sorte de petit robot qui avait des yeux comme ça, qu'en fait sur le tag. Sauf que c'était une ampoule, un peu comme dans la bande à Picsou. Sauf que au lieu des bras, il aurait des sortes de trucs de poule. Parce que le jeu de mots, oh poule. Alors, le fait qu'il y ait des objets sur la table, tu l'as perçu comme une invitation à utiliser les objets dans le cours de la partie? Oui, comme les prendre comme ça. Ok, je pense que... S'il y avait quelque chose qui... Je sais pas moi, un chat qui débarquait dans la... La cave? J'aurais pris l'ampoule, j'aurais fait... Yeah! Ah non, c'est un chat. Est-ce que les bruits de la maison, pendant la partie, ont participé de... Bah de oui. La c'est surtout toi qui l'as fait rentrer, les bruits de la maison. Je me suis dit, ah d'accord, il lui fait entrer les bruits de la maison. Mais quand tu me disais des gargouillements, des bloups, je me dis, c'est juste des poissons qui font des bulles. Va pas aller jusqu'à dire que... Et il y a des moments, on a entendu des bruits dans les canalisations, on a entendu des craquements sur le plancher. Parce qu'en haut, il y a des choses. Oui, mais est-ce qu'à ce moment-là, tu pensais qu'il y a... la maison ou tu pensais l'histoire? Je pensais l'histoire. Je pensais que t'avais incorporé dans tes musiques ça. D'accord. Ensuite, quand je vais repenser à ce qui se passait tout le temps dans les autres parties, je me suis dit, ah non, c'est les bruits de la maison. Bonne idée. Donc, je pense que c'était intelligent. Bah, c'est pas une question d'être intelligent ou pas. Moi, ce que je voulais essayer, c'était de... C'est quand même une histoire qui faisait un peu peur, on est d'accord. Un peu. Mais quand tu te rends compte de l'histoire, que tu peux... tout changer, rendre tout bisounours, tu te dis, ah bah voilà, ça fait pas peur en fait. Mais ça fait... quand même un peu peur, ça m'a fait peur l'histoire de la veste. D'accord. Donc demain je mets pas de veste. Bah si, non. T'en as besoin, parce non, que non. Il fait froid. Non, non, j'en mets pas. Donc... je préfère mourir de froid que voir une silhouette noire avec les yeux rouges, en bas de l'escalier du collège. On s'arrête... On s'arrête là? Pour ouais. le bilan et la partie. Du coup, je pensais vraiment pas que t'allais utiliser ce que j'ai dit à table. Au début.